Section 18 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Troisième partie, livre 7e, Féodalité et Révolution. Chapitre 1, L'ancêtre. Une lampe était posée sur la dalle de la crypte, à côté du soupirail carré de l'oubliette. On apercevait aussi sur la dalle la cruche pleine d'eau, le pain de munitions et la botte de paille. La crypte étant taillée dans le roc, le prisonnier, qui eut eu la fantaisie de mettre le feu à la paille, eut perdu sa peine. Aucun risque d'incendie pour la prison, certitude d'asphyxie pour le prisonnier. À l'instant où la porte tourna sur ses gonds, le marquis marchait dans son cachot. Va-et-vient machinal, propre à tous les fauves mis en cage. Au bruit que fit la porte en s'ouvrant, puis en se refermant, il leva la tête, et la lampe qui était à terre entre Gauvin et le marquis éclaira ces deux hommes, en plein visage. Ils se regardèrent, et ce regard était tel qu'il les fit tous deux immobiles. Le marquis éclata de rire et s'écria « Bonjour, monsieur. Voilà pas mal d'années que je n'ai eu la bonne fortune de vous rencontrer. Vous me faites la grâce de venir me voir, je vous remercie. Je ne demande pas mieux que de causer un peu, je commençais à m'ennuyer. Vos amis perdent le temps. Des constatations d'identité, des cours martiales, c'est long, toutes ces manières-là. J'irai plus vite en besogne, je suis ici chez moi. Donnez-vous la peine d'entrer. Eh bien, qu'est-ce que vous dites de tout ce qui se passe? C'est original, n'est-ce pas? Il y avait une fois un roi et une reine. Le roi, c'était le roi. La reine, c'était la France. On a tranché la tête au roi et marié la reine à Robespierre. Ce monsieur et cette dame ont eu une fille qu'on nomme la guillotine, et avec laquelle il paraît que je ferai connaissance demain matin. J'en serai charmé, comme de vous voir. Venez-vous pour cela? Avez-vous monté en grade? Seriez-vous le bourreau? Si c'est une simple visite d'amitié, j'en suis touché, monsieur le vicomte. Vous ne savez peut-être plus ce que c'est qu'un gentilhomme. Eh bien, en voilà un, c'est moi. Regardez ça. C'est curieux, ça croit en Dieu, ça croit à la tradition, ça croit à la famille, ça croit à ses aïeux, ça croit à l'exemple de son père, à la fidélité, à la loyauté, au devoir envers son prince, au respect des vieilles lois, à la vertu, à la justice. Et ça vous ferait fusiller avec plaisir. Ayez, je vous prie, la bonté de vous asseoir. Sur le pavé, c'est vrai, car il n'y a pas de fauteuil dans ce salon. Mais qui vit dans la boue peut s'asseoir par terre. Je ne dis pas cela pour vous offenser, car ce que nous appelons la boue, vous l'appelez la nation. Vous n'exigez sans doute pas que je crie liberté, égalité, fraternité. Ceci est une ancienne chambre de ma maison. Jadis, les seigneurs y mettaient les manants. Maintenant, les manants y mettent les seigneurs. Ces niaiseries-là se nomment une révolution. Il paraît qu'on me coupera le cou d'ici à 36 heures. Je n'y vois pas d'inconvénient. Par exemple, si l'on était poli, on m'aurait envoyé ma tabatière, qui est là-haut dans la chambre des miroirs, où vous avez joué tout enfant, et où je vous ai fait sauter sur mes genoux. Monsieur, je vais vous apprendre une chose. Vous vous appelez Gauvin, et, chose bizarre, vous avez du sang noble dans les veines, pardieu, le même sang que le mien. Et ce sang qui fait de moi un homme d'honneur, fait de vous un gueusard. Telles sont les particularités. Vous me direz que ce n'est pas votre faute, ni la mienne. Parbleu, on est un malfaiteur sans le savoir. Cela tient à l'air qu'on respire. Dans les temps comme les nôtres, on n'est pas responsable de ce qu'on fait. La révolution est coquine pour tout le monde. Et tous vos grands criminels sont de grands innocents. Quelle buse! À commencer par vous. Souffrez que je vous admire. Oui, j'admire un garçon tel que vous, qui, homme de qualité, bien situé dans l'État, ayant un grand sang à répandre pour les grandes causes, vicomte de cette tour Gauvin, prince de Bretagne, pouvant être duc par droit et pair de France par héritage, ce qui est à peu près tout ce que peut désirer ici-bas un homme de bon sens, s'amuse, étant ce qu'il est, à être ce que vous êtes, si bien qu'il fait à ses ennemis l'effet d'un scélérat et à ses amis l'effet d'un imbécile. À propos, faites mes compliments à monsieur l'abbé Simourdin. Le marquis parlait à son aise, paisiblement, sans rien souligner, avec sa voix de bonne compagnie, avec son œil clair et tranquille, les deux mains dans ses goussets. Il s'interrompit, respira longuement et reprit. « Je ne vous cache pas que j'ai fait ce que j'ai pu pour vous tuer. Tel que vous me voyez, j'ai 3 fois, moi-même, en personne, pointé un canon sur vous. Procédé discourtois, je l'avoue. Mais ce serait faire fond sur une mauvaise maxime que de s'imaginer qu'en guerre, l'ennemi cherche à nous être agréable. Car nous sommes en guerre, monsieur mon neveu. Tout est à feu et à sang. C'est pourtant vrai qu'on a tué le roi. Joli siècle. » Il s'arrêta encore, puis poursuivit. Quand on pense que rien de tout cela ne serait arrivé si l'on avait pendu Voltaire et mis Rousseau aux galères. Ah, les gens d'esprit, quel fléau! Ah, ça! Qu'est-ce que vous le reprochez à cette monarchie? C'est vrai, on envoyait l'abbé Pucelle à son ami de Corbigny en lui laissant le choix de la voiture et tout le temps qu'il voudrait pour faire le chemin. Et quant à votre monsieur Titon, qui avait été, s'il vous plaît, un fort débauché et qui allait chez les filles avant d'aller au miracle du diacre Paris, on le transférait du château de Vincennes au château de Ham en Picardie, qui est, j'en conviens, un assez vilain endroit. Voilà les griefs, je m'en souviens. J'ai crié aussi dans mon temps. J'ai été aussi bête que vous. Le marquis tâta sa poche, comme s'il y cherchait sa tabatière, et continua. Mais pas aussi méchant. On parlait pour parler. Il y avait aussi la mutinerie des enquêtes et requêtes. Et puis, ces messieurs les philosophes sont venus. On a brûlé les écrits au lieu de brûler les auteurs. Les cabales de la cour s'en sont mêlées. Il y a eu tous ces Bennet, Turgot, Quesnay, Malesherbes, les physiocrates, etc. Et le grabuge a commencé. Tout est venu des écrivailleurs et des rimailleurs. L'encyclopédie, Diderot, d'Alembert. Ah, les méchants bélitres! Un homme bien né, comme ce roi de Prusse, avoir donné là-dedans? Moi, j'eusse supprimé tous les gratteurs de papier. Ah, nous étions des justiciers, nous autres. On peut voir ici, sur le mur, la marque des roues d'écartèlement. Nous ne plaisantions pas. Non, non, point d'écrivassier. Tant qu'il y aura des Harouets, il y aura des Marats. Tant qu'il y aura des Grimauds qui griffonnent, il y aura des Gredins qui assassinent. Tant qu'il y aura de l'encre, il y aura de la noirceur. Tant que la patte de l'homme tiendra la plume de loi, les sottises frivoles engendreront les sottises atroces. Les livres font les crimes. Le mot chimère a deux sens. Il signifie rêve et il signifie monstre. Comme on se paye de billevesées. Qu'est-ce que vous nous chantez avec vos droits? Droits de l'homme? Droits du peuple? Cela est-il assez creux, assez stupide, assez imaginaire, assez vide de sens? Moi, quand je dis Avoise, sœur de Conan II, apporta le comté de Bretagne à Hoël, comte de Nantes et de Cornouailles, qui laissa le trône à Alain Fergent, oncle de Berthe, qui épousa Alain le Noir, seigneur de La Roche-sur-Yon, et en eut Conan le Petit, aïeul de Guy ou Gauvin de Thouars, notre ancêtre, je dis une chose claire, et voilà un droit. Mais vos drôles, vos marauds, vos croquants, qu'appellent-ils leur droit? Le déicide et le régicide? Si ce n'est pas hideux. Ah, les maroufles! J'en suis fâché pour vous, monsieur. Mais vous êtes de ce fier sang de Bretagne. Vous et moi, nous avons Gauvin de Thouars pour grand-père. Nous avons encore pour aïeul ce grand duc de Montbazon, qui fut pair de France et honoré du collier des ordres, qui attaqua le faubourg de Tours et fut blessé au combat d'Arc, et qui mourut grand veneur de France, en sa maison de Couzières, en Touraine, âgé de 86 ans. Je pourrais vous parler encore du duc de Lodunois, fils de la dame de la Garnache, de Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, et de Henri de Lenoncourt, et de Françoise de Laval-Bois-Dauphin. Mais à quoi bon? Monsieur a l'honneur d'être un idiot, et il tient à être l'égal de mon palefrenier. Sachez ceci, j'étais déjà un vieil homme que vous étiez encore un marmot. Je vous ai mouché, morveux, et je vous moucherai encore. En grandissant, vous avez trouvé moyen de vous rapetisser. Depuis que nous nous sommes vus, nous sommes allés chacun de notre côté. Moi, du côté de l'honnêteté, vous, du côté opposé. Ah, je ne sais pas comment tout cela finira, mais messieurs, vos amis sont de fiers misérables. Ah oui, c'est beau, j'entends d'accord, les progrès sont superbes. On a supprimé dans l'armée la peine de la chopine d'eau, infligée 3 jours consécutifs aux soldats ivrognes. On a le maximum, la convention, l'évêque Gobel, monsieur Chaumette et monsieur Hébert, et l'on extermine en masse tout le passé, depuis la Bastille jusqu'à l'Almanach. On remplace les saints par les légumes. Soit, messieurs les citoyens, soyez les maîtres, régnez, prenez vos aises, donnez-vous-en, ne vous gênez pas. Tout cela n'empêchera point que la religion ne soit la religion, que la royauté n'emplisse 1500 ans de notre histoire, et que la vieille seigneurie française, même décapitée, ne soit plus haute que vous. Quant à vos chicanes sur le droit historique des races royales, nous en haussons les épaules. Chilpéric, au fond, n'était qu'un moine appelé Daniel. Ce fut Rainfroi qui inventa Chilpéric pour ennuyer Charles Martel. Nous savons ces choses-là aussi bien que vous, ce n'est pas la question. La question est ceci. Être un grand royaume, être la vieille France, être ce pays d'arrangement magnifique où l'on considère premièrement la personne sacrée des monarques, seigneur absolu de l'État, puis les princes, puis les officiers de la couronne, pour les armes sur terre et sur mer, pour l'artillerie, direction et surintendance des finances. Ensuite, il y a la justice souveraine et subalterne, suivie du maniement des gabelles et recettes générales, et enfin, la police de royaume dans ses trois ordres. Voilà qui était beau et noblement ordonné. Vous l'avez détruit. Vous avez détruit les provinces comme de lamentables ignorants que vous êtes, sans même vous douter de ce que c'était que les provinces. Le génie de la France est composé du génie même du continent. Et chacune des provinces de France représentait une vertu de l'Europe. La franchise de l'Allemagne était en Picardie, la générosité de la Suède en Champagne, l'industrie de la Hollande en Bourgogne, l'activité de la Pologne en Languedoc, la gravité de l'Espagne en Gascogne, la sagesse de l'Italie en Provence, la subtilité de la Grèce en Normandie, la fidélité de la Suisse en Dauphiné. Vous ne saviez rien de tout cela. Vous avez cassé, brisé, fracassé, démoli, et vous avez été tranquillement des bêtes brutes. Ah, vous ne voulez plus avoir de nobles ? Eh bien, vous n'en aurez plus. Faites-en votre deuil. Vous n'aurez plus de paladins, vous n'aurez plus de héros. Bonsoir, les grandeurs anciennes. Trouvez-moi un Dassas à présent. Vous avez tous peur pour votre peau. Vous n'aurez plus les chevaliers de Fontenoy qui saluaient avant de tuer. Vous n'aurez plus les combattants en bas de soie du siège de Lérida. Vous n'aurez plus de ces fières journées militaires où les panaches passaient comme des météores. Vous êtes un peuple fini. Vous subirez ce viol, l'invasion. Si Alaric II revient, il ne trouvera plus en face de lui Clovis. Si Abderrahm revient, il ne trouvera plus en face de lui Charles Martel. Si les Tzatzur reviennent, ils ne trouveront plus devant eux Pépin. Vous n'aurez plus Agnadel, Rancroy, Lens, Stafford, Nerwind, Steinkerk, La Marsaille, Rocou, Lohfeld, Mahon. Vous n'aurez plus Marignan avec François Ier. Vous n'aurez plus Bouvines avec Philippe Auguste faisant prisonnier d'une main Renaud, comte de Bourgogne, et de l'autre Ferrand, comte de Flandre. Vous aurez Azincourt, mais vous n'aurez plus pour s'y faire tuer, enveloppé de son drapeau, le sieur de Badeville, le grand porteur Iflamme. Allez, allez, faites, soyez les hommes nouveaux, devenez petits. Le marquis fit un moment silence et repartit. Mais laissez-nous grands, tuez les rois, tuez les nobles, tuez les prêtres, abattez, ruinez, massacrez, foulez tout aux pieds, mettez les mats sémantiques sous le talon de vos bottes, piétinez le trône, trépignez l'autel, écrasez Dieu, dansez dessus, c'est votre affaire. Vous êtes des traîtres et des lâches, incapables de dévouement et de sacrifice, j'ai dit. Maintenant, faites-moi guillotiner, monsieur le vicomte, j'ai l'honneur d'être votre très humble. Et il ajouta, ah, je vous dis vos vérités, qu'est-ce que cela me fait, je suis mort. Vous êtes libre, dit Gauvin. Et Gauvin s'avança vers le marquis, défit son manteau de commandant, le lui jeta sur les épaules et lui rabattit le capuchon sur les yeux. Tous deux étaient de même taille. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Dit le marquis. Gauvin éleva la voix et cria « Lieutenant, ouvrez-moi » La porte s'ouvrit. Gauvin cria « Vous aurez soin de refermer la porte derrière moi !» Et il poussa dehors le marquis stupéfait. La salle basse, transformée en corps de garde, avait, on s'en souvient, pour tout éclairage, une lanterne de corne qui faisait tout voir trouble et donnait plus de nuit que de jour. Dans cette lueur confuse, ceux des soldats qui ne dormaient pas virent marcher au milieu d'eux, se dirigeant vers la sortie, un homme de haute stature ayant le manteau et le capuchon galonné de commandant en chef. Ils firent le salut militaire et l'homme passa. Le marquis, lentement, traversa le corps de garde, traversa la brèche, non sans s'y heurter la tête plus d'une fois, et sortit. La sentinelle, croyant voir Gauvin, lui présenta les armes. Quand il fut dehors, ayant sous ses pieds l'herbe des champs, à 200 pas de la forêt, et devant lui l'espace, la nuit, la liberté, la vie, il s'arrêta et demeura un moment immobile. Comme un homme qui s'est laissé faire, qui a cédé la surprise et qui, ayant profité d'une porte ouverte, cherche s'il a bien ou mal agi, hésite avant d'aller plus loin et donne audience à une dernière pensée. Après quelques secondes de rêverie attentive, il leva sa main droite, fit claquer son médius contre son pouce et dit « Ma foi !» Et il s'en alla. La porte du cachot s'était refermée. Gauvin était dedans. Chapitre 2. La cour martiale. Tout alors dans les cours martiales était à peu près discrétionnaire. Dumas, à l'Assemblée législative, avait esquissé une ébauche de législation militaire, retravaillée plus tard par Talot au Conseil des 500. Mais le code définitif des conseils de guerre n'a été rédigé que sous l'Empire. C'est de l'Empire que date, par parenthèse, l'obligation imposée aux tribunaux militaires de ne recueillir les votes qu'en commençant par le grade inférieur. Sous la Révolution, cette loi n'existait pas. En 1793, le président d'un tribunal militaire était presque à lui seul tout le tribunal. Il choisissait les membres, classait l'ordre des grades, régnait le mode du vote. Il était le maître en même temps que le juge. Simourdin avait désigné pour prétoire de la cour martiale cette salle même du rez-de-chaussée où avait été la retirade et où était maintenant le corps de garde. Il tenait à tout abréger, le chemin de la prison au tribunal et le trajet du tribunal à l'échafaud. À midi, conformément à ses ordres, la cour était en séance avec l'apparat que voici. 3 chaises de paille, une table de sapin, 2 chandelles allumées, un tabouret devant la table. Les chaises étaient pour les juges et le tabouret pour l'accusé. Au debout de la table, il y avait 2 autres tabourets. L'un pour le commissaire auditeur, qui était un fourrier, l'autre pour le greffier, qui était un caporal. Il y avait sur la table un bâton de cire rouge, le sceau de la République en cuivre, 2 écritoires, des dossiers de papier blanc et 2 affiches imprimées, étalées toutes grandes ouvertes, contenant l'une la mise en la loi, l'autre le décret de la Convention. La chaise du milieu était adossée à un faisceau de drapeaux tricolores. Dans ces temps de rude simplicité, un décor était vite posé. Et il fallait peu de temps pour changer un corps de garde en cour de justice. La chaise du milieu, destinée au président, faisait face à la porte du cachot. Pour public, les soldats. 2 gendarmes gardaient la sellette. Simourdin était assis sur la chaise du milieu, ayant à sa droite le capitaine Guéchamp, premier juge, et à sa gauche, le sergent Radoub, deuxième juge. Il avait sur la tête son chapeau à panache tricolore, à son côté son sabre, dans sa ceinture ses 2 pistolets. Sa balafre, qui était d'un rouge vif, ajoutait à son air farouche. Radoub avait fini par se faire panser. Il avait autour de la tête un mouchoir, sur lequel s'élargissait lentement une plaque de sang. À midi, l'audience n'était pas encore ouverte. Une estafette, dont on entendait dehors piaffer le cheval, était debout, près de la table du tribunal. Simourdin écrivait. Il écrivait ceci. « Citoyens, membres du comité de salut public, Lantenac est pris. Il sera exécuté demain. » Il data et signa, plia et cacheta la dépêche et la remit à l'estafette, qui partit. Cela fait, Simourdin dit une voix haute. « Ouvrez le cachot !» Les 2 gendarmes tirèrent la verrou, ouvrirent le cachot et y entrèrent. Simourdin leva la tête, croisa les bras, regarda la porte et cria « Amenez le prisonnier !» Un homme apparut entre les 2 gendarmes, sous le cintre de la porte ouverte. C'était Gauvin. Simourdin eut un tressaillement. « Gauvin !» s'écria-t-il. Et il reprit « Je demande le prisonnier !»« C'est moi !» dit Gauvin. « Toi ?»« Moi !» « Et Lantenac ?»« Il est libre !»« Libre ?»« Oui !»« Évadé ?»« Évadé !» Simourdin balbutia avec un tremblement. « En effet, ce château est à lui. Il en connaît toutes les issues. L'oubliette communique peut-être à quelques sorties, j'aurais dû y songer. Il aura trouvé moyen de s'enfuir. Il n'aura eu besoin pour cela de l'aide de personne. » « Il a été aidé, » dit Gauvin. « À s'évader ?»« À s'évader. »« Qui l'a aidé ?»« Moi. »« Toi ?»« Moi. »« Tu rêves ?»« Je suis entré dans le cachot. J'étais seul avec le prisonnier. J'ai ôté mon manteau. Je le lui ai mis sur le dos. Je lui ai rabattu le capuchon sur le visage. Il est sorti à ma place et je suis resté à la sienne. Me voici. Tu n'as pas fait cela. Je l'ai fait. C'est impossible. C'est réel. Amenez-moi Lantenac. Il n'est plus ici. Les soldats, lui voyant le manteau de commandant, l'ont pris pour moi et l'ont laissé passer. Il faisait encore nuit. Tu es fou. Je dis ce qui est. Il y eut un silence. Simourdin bégaya. Alors tu mérites la mort, dit Gauvin. Simourdin était pâle comme une tête coupée. Il était immobile comme un homme sur qui vient de tomber la foudre. Il semblait ne plus respirer. Une grosse goutte de sueur perla sur son front. Il raffermit sa voix et dit « Gendarme, faites asseoir l'accusé !» Gauvin se plaça sur le tabouret. Simourdin reprit « Gendarme, tirez vos sabres !» C'était la formule usitée quand l'accusé était sous le poids d'une sentence capitale. Les gendarmes tirèrent leurs sabres. La voix de Simourdin avait repris son accent ordinaire. « Accusé, dit-il, levez-vous !» Il ne tutoyait plus Gauvin. Chapitre 3. Les votes. Gauvin se leva. « Comment vous nommez-vous » demanda Simourdin. Gauvin répondit. « Gauvin !» Simourdin continua l'interrogatoire. « Qui êtes-vous ? » « Je suis commandant en chef de la colonne expéditionnaire des Côtes du Nord. Êtes-vous parent ou allié de l'homme évadé ? » ?»« Je suis son petit-neveu. Vous connaissez le décret de la Convention ? » ?»« J'envoie l'affiche sur votre table. » »« Qu'avez-vous à dire sur ce décret ? » ?»« Que je l'ai contresigné. » »« Que j'en ai ordonné l'exécution et que c'est moi qui ai fait faire cette affiche, au bas de laquelle est mon nom. » »« Faites choix d'un défenseur. » « Je me défendrai moi-même. Vous avez la parole. » Simourdin était redevenu impassible. Seulement, son impassibilité ressemblait moins au calme d'un homme qu'à la tranquillité d'un rocher. Gauvin demeura un moment silencieux et comme recueilli. Simourdin reprit. « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Gauvin leva lentement la tête, ne regarda personne et répondit. « Ceci, une chose m'a empêché d'en voir une autre. Une bonne action, vue de trop près, m'a caché 100 actions criminelles. D'un côté un vieillard, de l'autre des enfants. Tout cela s'est mis entre moi et le devoir. J'ai oublié les villages incendiés, les champs ravagés, les prisonniers massacrés, les blessés achevés, les femmes fusillées. J'ai oublié la France, livrée à l'Angleterre. J'ai mis en liberté le meurtrier de la patrie. Je suis coupable. En parlant ainsi, je semble parler contre moi. C'est une erreur. Je parle pour moi. Quand le coupable reconnaît sa faute, il sauve la seule chose qui vaille la peine d'être sauvée, l'honneur. Est-ce là, repartit Simourdin, tout ce que vous avez à dire pour votre défense? J'ajoute qu'étant le chef, je devais l'exemple, et qu'à votre tour, étant les juges, vous le devez. Quel exemple demandez-vous? Ma mort. Vous la trouvez juste et nécessaire. Asseyez-vous. Le fourrier, commissaire auditeur, se leva, et donna lecture, premièrement, de l'arrêté qui mettait hors la loi le ci-devant marquis de Lantenac. Deuxièmement, du décret de la Convention édictant la peine capitale contre quiconque favoriserait l'évasion d'un rebelle prisonnier. Il termina par les quelques lignes imprimées au bas de la fiche du décret, intimant défense de porter aide et secours aux rebelles susnommés sous peine de mort et signé le commandant en chef de la colonne expéditionnaire, Gauvin. Ces lectures faites, le commissaire auditeur se rassit. Simourdin croisa les bras et dit « Accusé, soyez attentif. Public, écoutez, regardez et taisez-vous. Vous avez devant vous la loi. Il va être procédé au vote. La sentence sera rendue à la majorité simple. Chaque juge opinera à son tour, à haute voix, en présence de l'accusé. La justice n'a rien à cacher. » Simourdin continua. « La parole est au premier juge. Parlez, capitaine Guéchamp. » Le capitaine Guéchamp ne semblait voir ni Simourdin ni Gauvin. Ses paupières abaissées cachaient ses yeux immobiles, fixés sur la fiche du décret, et la considérant comme on considérerait un gouffre, il dit « La loi est formelle. » Un juge est plus et moins qu'un homme. Il est moins qu'un homme car il n'a pas de cœur. Il est plus qu'un homme car il a le glaive. L'an 414 de Rome, Manlius fit mourir son fils pour le crime d'avoir vaincu sans son ordre. La discipline violée voulait une expiation. Ici, c'est la loi qui a été violée. La loi est plus haute encore que la discipline. Par suite d'un accès de pitié, la patrie est remise en danger. La pitié peut avoir les proportions d'un crime. Le commandant Gauvin a fait évader le rebelle Lantenac. Gauvin est coupable. « Je vote la mort. »« Écrivez, greffier, » dit Simourdin. Le greffier écrivit. « Capitaine Guéchamp, la mort. » Gauvin éleva la voix. « Guéchamp, » dit-il, « vous savez bien voter, et je vous remercie. » Simourdin reprit. « La parole est au deuxième juge. Parlez, sergent Radoub. » Radoub se leva, se tourna vers Gauvin et fit à l'accusé le salut militaire. Puis il s'écria. « Si c'est ça alors, guillotinez-moi. » Car j'en donne ici ma nom de Dieu de parole d'honneur la plus sacrée, je voudrais avoir fait d'abord ce qu'a fait le vieux, et ensuite ce qu'a fait mon commandant. Quand j'ai vu cet individu de 80 ans se jeter dans le feu pour en tirer les 3 mioches, j'ai dit « Bonhomme, tu es un brave homme. » Et quand j'apprends que c'est mon commandant qui a sauvé ce vieux de votre bête de guillotine, mille noms de noms, je dis « Mon commandant, vous devriez être mon général, et vous êtes un vrai homme, et moi, tonnerre, je vous donnerai la croix de Saint-Louis. » S'il y avait encore des croix, s'il y avait encore des saints, et s'il y avait encore des louis. Ah, ça! Est-ce qu'on va être des imbéciles à présent? Si c'est pour des choses comme ça qu'on a gagné la bataille de Jemappes, la bataille de Valmy, la bataille de Fleurus et la bataille de Vatigny, alors il faut le dire. Comment? Voilà le commandant Gauvin qui, depuis 4 mois, mène toutes ces bourriques de royalistes tambour battant, et qui sauve la République à coups de sabre, et qui a fait la chose de Dole où il fallait joliment de l'esprit. Et quand vous avez cet homme-là, vous tâchez de ne plus l'avoir? Et au lieu d'en faire votre général, vous voulez lui couper le cou? Je dis que c'est à se jeter la tête la première par-dessus le parapet du Pont-Neuf, et que vous-même, citoyen Gauvin, mon commandant, si au lieu d'être mon général, vous étiez mon caporal, je vous dirais que vous avez dit de fichues bêtises tout à l'heure. Le vieux a bien fait de sauver les enfants. Vous avez bien fait de sauver le vieux. Et si l'on guillotine les gens parce qu'ils ont fait de bonnes actions, alors va-t'en à tous les diables, je ne sais plus du tout de quoi il est question. Il n'y a plus de raison pour qu'on s'arrête. C'est pas vrai, n'est-ce pas, tout ça? Je me pince pour savoir si je suis éveillé, je ne comprends pas. Il fallait donc que le vieux laisse brûler les mômes tout vifs? Il fallait donc que mon commandant laisse couper le cou au vieux? Tenez, oui, guillotinez-moi, j'aime autant ça. Une supposition. Les mioches seraient morts? Le bataillon du bonnet rouge était déshonoré? Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Alors, mangeons-nous les uns les autres. Je me connais en politique aussi bien que vous qui êtes là. J'étais du club de la 7 sur des pics. Sapristi, nous nous abrutissons à la fin. Je résume ma façon de voir. Je n'aime pas les choses qui ont l'inconvénient de faire qu'on ne sait plus du tout où on en est. Pourquoi diable nous faisons-nous tuer? Pour qu'on nous tue notre chef, pas de ça, Lisette, je veux mon chef. Il me faut mon chef. Je l'aime encore mieux aujourd'hui qu'hier. L'envoyer à la guillotine, mais vous me faites rire. Tout ça, nous n'en voulons pas. J'ai écouté, on dira tout ce qu'on voudra. D'abord, pas possible. Et Radoub se rassit. Sa blessure s'était ouverte. Un filet de sang qui sortait du bandeau coulait le long de son cou, de l'endroit où avait été son oreille. Simourdin se tourna vers Radoub. « Vous votez pour que l'accusé soit absous ?»« Je vote, » dit Radoub, « pour qu'on le fasse général. »« Je vous demande si vous votez pour qu'il soit acquitté. » »« Je vote pour qu'on le fasse le premier de la République. »« Sergent Radoub, votez-vous pour que le commandant Gauvin soit acquitté, oui ou non ?»« Je vote pour qu'on me coupe la tête à sa place. »« Acquittement, » dit Simourdin. « Écrivez, greffier. » Le greffier écrivit. « Sergent Radoub, acquittement. » Puis le greffier dit. « Une voix pour la mort, une voix pour l'acquittement. Partage. » C'était à Simourdin de voter. Il se leva, il ôta son chapeau et le posa sur la table. Il n'était plus ni pâle, ni livide. Sa face était couleur de terre. Tous ceux qui étaient là eussent été couchés dans des sphères que le silence n'eût pas été plus profond. Simourdin dit d'une voix grave, lente et ferme. « Accusé Gauvin, la cause est entendue. Au nom de la République, la cour martiale, à la majorité de 2 voix contre 1, il s'interrompit. Il eut comme un temps d'arrêt. Hésitait-il devant la mort? Hésitait-il devant la vie? Toutes les poitrines étaient haletantes. Simourdin continua. « Vous condamne à la peine de mort !» Son visage exprimait la torture du triomphe sinistre. Quand Jacob, dans les ténèbres, se fit bénir par l'ange qu'il avait terrassé, il devait avoir ce sourire effrayant. Ce ne fut qu'une lueur et cela passa. Simourdin redevint de marbre, se rassit, remit son chapeau sur la tête et ajouta « Gauvin, vous serez exécuté demain, au lever du soleil. » Gauvin se leva, salua et dit « Je remercie la cour. Emmenez le condamné, » dit Simourdin. Simourdin fit un signe. La porte du cachot se rouvrit. Gauvin y rentra. Le cachot se referma. Les 2 gendarmes restèrent en faction des 2 côtés de la porte, le sabre nu. On emporta Radoub, qui venait de tomber sans connaissance. Chapitre 4. Après Simourdin juge, Simourdin maître. Un camp, c'est un guépier. En temps de révolution surtout. L'aiguillon civique qui est dans le soldat sort volontiers et vite, et ne se gêne pas pour piquer le chef après avoir chassé l'ennemi. La vaillante troupe qui avait pris la tourgue eut des bourdonnements variés. D'abord contre le commandant Gauvin, quand on a pris l'évasion de Lantenac. Lorsqu'on vit Gauvin sortir du cachot où l'on croyait tenir Lantenac, ce fut comme une commotion électrique, et en moins d'une minute, tout le camp fut informé. Un murmure éclata dans la petite armée. Ce premier murmure fut « Ils sont en train de juger Gauvin, mais c'est pour la frime. Fiez-vous donc aussi devant et au calotin. Nous venons de voir un vicomte qui sauve un marquis, et nous allons voir un prêtre qui absout un noble. » Quand on sut la condamnation de Gauvin, il y eut un deuxième murmure. « Voilà qui est fort. Notre chef, notre brave chef, notre jeune commandant, un héros, c'est un vicomte. Eh bien, il n'en a que plus de mérite à être républicain. Comment, lui, le libérateur de Pont-Orson, de Villedieu, de Pont-Aubeau, le vainqueur de Dole et de la Tourgue, celui par qui nous sommes invincibles, celui qui est l'épée de la République dans la Vendée, l'homme qui depuis 5 mois tient tête au chouan et répare toutes les sottises de l'échelle et des autres, ce Simourdin ose le condamner à mort. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé un vieillard qui avait sauvé 3 enfants. Un prêtre, tué un soldat. » Ainsi grondait le camp victorieux et mécontent. Une sombre colère entoura Simourdin. 4 000 hommes contre un seul. Il semble que ce soit une force. Ce n'en est pas une. Ces 4 000 hommes étaient une foule et Simourdin était une volonté. On savait que Simourdin fronçait aisément le sourcil et il n'en fallait pas davantage pour tenir l'armée en respect. Dans ces temps sévères, il suffisait que l'ombre du comité de salut public fût derrière un homme pour faire cet homme redoutable et pour faire aboutir l'imprécation au chuchotement et le chuchotement au silence. Avant comme après les murmures, Simourdin restait l'arbitre du sort de Gauvin comme du sort de tous. On savait qu'il n'y avait rien à lui demander et qu'il ne veillerait qu'à sa conscience, voix surhumaine entendue de lui seul. Tout dépendait de lui. Ce qu'il avait fait comme juge martial, seul il pouvait le défaire comme délégué civil. Seul il pouvait faire grâce, il avait plein pouvoir. D'un signe, il pouvait mettre Gauvin en liberté. Il était le maître de la vie et de la mort, il commandait la guillotine. En ce moment tragique, il était l'homme suprême. On ne pouvait qu'attendre. La nuit vint. Chapitre 5. Le cachot. La salle de justice était redevenue corps de garde. Le poste était doublé, comme la veille. Deux factionnaires gardaient la porte du cachot fermée. Vers minuit, un homme, qui tenait une lanterne à la main, traversa le corps de garde, se fit reconnaître et se fit ouvrir le cachot. C'était Simourdin. Il entra, et la porte resta entr'ouverte derrière lui. Le cachot était ténébreux et silencieux. Simourdin fit un pas dans cette obscurité, posa la lanterne à terre et s'arrêta. On entendait dans l'ombre la respiration égale d'un homme endormi. Simourdin écouta, pensif, ce bruit paisible. Gauvin était au fond du cachot sur la botte de paille. C'était son souffle qu'on entendait. Il dormait profondément. Simourdin s'avança, avec le moins de bruit possible, vint tout près et se mit à regarder Gauvin. Une mère regardant son nourrisson dormir n'aurait pas un plus tendre et plus inexprimable regard. Ce regard était plus fort peut-être que Simourdin. Simourdin appuya, comme font quelquefois les enfants, ses deux poings sur ses yeux et demeura un moment immobile. Puis il s'agenouilla, souleva doucement la main de Gauvin et posa ses lèvres dessus. Gauvin fit un mouvement. Il ouvrit les yeux avec le vague étonnement du réveil en sursaut. La lanterne éclairait faiblement la cave. Il reconnut Simourdin. « Tiens, dit-il, c'est vous, mon maître. » Et il ajouta. « Je rêvais que la mort me baisait la main. » Simourdin eut cette secousse qui nous donne parfois la brusque invasion d'un flot de pensées. Quelquefois ce flot est si haut et si orageux qu'il semble qu'il va éteindre l'âme. Rien ne sortit du profond cœur de Simourdin. Il ne put dire que « Gauvin !» Et tous deux se regardèrent. Simourdin avec des yeux pleins de ces flammes qui brûlent les larmes. Gauvin avec son plus doux sourire. Gauvin se souleva sur son coude et dit « Cette balafre que je vois, c'est votre visage. C'est le coup de sabre que vous avez reçu pour moi. Hier encore, vous étiez dans cette mêlée à côté de moi et à cause de moi. Si la Providence ne vous avait pas mis près de mon berceau, où serais-je aujourd'hui, dans les ténèbres ? Si j'ai la notion du devoir, c'est de vous qu'elle me vient. J'étais né noué. Les préjugés sont des ligatures. Vous m'avez ôté ces bandelettes. Vous avez remis ma croissance en liberté. Et, de ce qui n'était déjà plus qu'une momie, vous avez refait un enfant. Dans l'avorton probable, vous avez mis une conscience. Sans vous, j'aurais grandi petit. J'existe par vous. Je n'étais qu'un seigneur. Vous avez fait de moi un citoyen. Je n'étais qu'un citoyen. Vous avez fait de moi un esprit. Vous m'avez fait propre, comme homme, à la vie terrestre, et comme âme, à la vie céleste. Vous m'avez donné, pour aller dans la réalité humaine, la clé de vérité, et pour aller au-delà, la clé de lumière. Oh, mon maître, je vous remercie, c'est vous qui m'avez créé. Simourdin s'assit sur la paille à côté de Gauvin et lui dit « Je viens souper avec toi ». Gauvin rompit le pain noir et le lui présenta. Simourdin en prit un morceau. Puis, Gauvin lui tendit la cruche d'eau. « Bois le premier, dit Simourdin. » Gauvin but et passa la cruche à Simourdin, qui but après lui. Gauvin n'avait bu qu'une gorgée. Simourdin but à longs traits. Dans ce souper, Gauvin mangeait et Simourdin buvait, signe du calme de l'un et de la fièvre de l'autre. On ne sait quelle sérénité terrible était dans ce cachot. Ces deux hommes causaient. Gauvin disait « Les grandes choses s'ébauchent. Ce que la révolution fait en ce moment est mystérieux. Derrière l'œuvre visible, il y a l'œuvre invisible. L'une cache l'autre. L'œuvre visible est farouche. L'œuvre invisible est sublime. En cet instant, je distingue tout très nettement. C'est étrange et beau. Il a bien fallu se servir des matériaux du passé. De là, cet extraordinaire 93. Sous un échafaudage de barbarie, se construit un temple de civilisation. Oui, répondit Simourdin. De ce provisoire sortira le définitif. Le définitif, c'est-à-dire le droit et le devoir parallèle, l'impôt proportionnel et progressif, le service militaire obligatoire, le nivellement, aucune déviation, et, au-dessus de tous et de tout, cette ligne droite, la loi, la république de l'absolu. Je préfère, dit Gauvin, la république de l'idéal. Il s'interrompit, puis continua. Oh, mon maître! Dans tout ce que vous venez de dire, où placez-vous le dévouement, le sacrifice, l'abnégation, l'entrelacement magnifique des bienveillances, l'amour? Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux. Au-dessus de la balance, il y a la lyre. Votre république dose, mesure et règle l'homme. La mienne l'emporte en plein azur. C'est la différence qu'il y a entre un théorème et un aigle. Tu te perds dans le nuage, et vous dans le calcul. Il y a du rêve dans l'harmonie. Il y en a aussi dans l'algèbre. Je voudrais l'homme fait par Euclide. Et moi, dit Gauvin, je l'aimerais mieux fait par Homère. Le sourire sévère de Simourdin s'arrêta sur Gauvin, comme pour tenir cette âme en arrêt. Poésie, défie-toi des poètes. Oui, je connais ce mot. Défie-toi des souffles, défie-toi des rayons, défie-toi des parfums, défie-toi des fleurs, défie-toi des constellations. Rien de tout cela ne donne à manger. Qu'en savez-vous? L'idée aussi est nourriture, penser c'est manger. Pas d'abstraction. La République, c'est 2 et 2 font 4. Quand j'ai donné à chacun ce qui lui revient, il vous reste à donner à chacun ce qui ne lui revient pas. Qu'entends-tu par là? J'entends l'immense concession réciproque que chacun doit à tous, et que tous doivent à chacun, et qui est toute la vie sociale. Hors du droit strict, il n'y a rien. Il y a tout. Je ne vois que la justice. Moi, je regarde plus haut. Qu'y a-t-il donc au-dessus de la justice? L'équité. Par moments, il s'arrêtait, comme si des lueurs passaient. Simourdin reprit. Précise, je t'en défie. Soit. Vous voulez le service militaire obligatoire? Contre qui? Contre d'autres hommes? Moi, je ne veux pas des services militaires, je veux la paix. Vous voulez les misérables secourus? Moi, je veux la misère supprimée. Vous voulez l'impôt proportionnel? Je ne veux point d'impôt du tout. Je veux la dépense commune, réduite à sa plus simple expression, et payée par la plus-value sociale. Qu'entends-tu par là? Ceci. D'abord, supprimer les parasitismes. Le parasitisme du prêtre, le parasitisme du juge, le parasitisme du soldat. Ensuite, tirez parti de vos richesses. Vous jetez l'engrais à l'égout, jetez-le au sillon. Les 3/4 du sol sont en friche. Défrichez la France. Supprimez les vaines pâtures. Partagez les terres communales. Que tout homme ait une terre et que toute terre ait un homme. Vous centuplerez le produit social. La France, à cette heure, ne donne à ses paysans que 4 jours de viande par an. Bien cultivée, elle nourrirait 300 millions d'hommes, toute l'Europe. Utilisez la nature, cet immense auxiliaire dédaigné. Faites travailler pour vous tous les souffles de vent, toutes les chutes d'eau, tous les effluves magnétiques. Le globe a un réseau veineux souterrain. Il y a dans ce réseau une circulation prodigieuse d'eau, d'huile, de feu. Piquez la veine du globe et faites jaillir cette eau pour vos fontaines, cette huile pour vos lampes, ce feu pour vos foyers. Réfléchissez au mouvement des vagues, aux flux et reflux, aux va-et-vient des marées. Qu'est-ce que l'océan? Une énorme force perdue. Comme la terre est bête, ne pas employer l'océan. Te voilà en plein songe, c'est-à-dire en pleine réalité. Gauvin reprit. Et la femme, qu'en faites-vous? Simourdin répondit. Ce qu'elle est, la servante de l'homme. Oui, à une condition. Laquelle? C'est que l'homme sera le serviteur de la femme. Y penses-tu? S'écria Simourdin. L'homme serviteur? Jamais! L'homme est maître. Je n'admets qu'une royauté, celle du foyer. L'homme chez lui est roi. Oui, à une condition. Laquelle? C'est que la femme y sera reine. C'est-à-dire que tu veux pour l'homme et pour la femme? L'égalité. L'égalité, y songes-tu? Les deux êtres sont divers. J'ai dit l'égalité, je n'ai pas dit l'identité. Il y eut encore une pause, comme une sorte de trêve entre ces deux esprits échangeant des éclairs. Simourdin la rompit. Et l'enfant, à qui le donnes-tu? D'abord au père qui l'engendre, puis à la mère qui l'enfante, puis au maître qui l'élève, puis à la cité qui le virilise, puis à la patrie qui est la mère suprême, puis à l'humanité qui est la grande aïeule. Tu ne parles pas de Dieu. Chacun de ces degrés, père, mère, maître, cité, patrie, humanité, est un des échelons de l'échelle qui monte à Dieu. Simourdin se taisait. Gauvin poursuivit. Quand on est au bout de l'échelle, on est arrivé à Dieu. Dieu s'ouvre, on n'a plus qu'à entrer. Simourdin fit le geste d'un homme qui en rappelle un autre. « Gauvin, reviens sur la terre. Nous voulons réaliser le possible. Commencez par ne pas le rendre impossible. Le possible se réalise toujours. Pas toujours. Si l'on réduit l'utopie, on la tue. Rien n'est plus en défense que l'œuf. Il faut pourtant saisir l'utopie, lui imposer le joug du réel et l'encadrer dans le fait. L'idée abstraite doit se transformer en idée concrète. Ce qu'elle perd en beauté, elle le regagne en utilité. Elle est moindre, mais meilleure. Il faut que le droit entre dans la loi, et quand le droit s'est fait loi, il est absolu. C'est là ce que j'appelle le possible. Le possible est plus que cela. Ah, te revoilà dans le rêve. Le possible est un oiseau mystérieux, toujours planant, au-dessus de l'homme. Il faut le prendre. Vivant ! Gauvin continua. Ma pensée est, toujours en avant. Si Dieu avait voulu que l'homme reculât, il lui aurait mis un œil derrière la tête. Regardons toujours du côté de l'aurore, de l'éclosion, de la naissance. Ce qui tombe encourage ce qui monte. Le craquement du vieil arbre est un appel à l'un renouveau. Chaque siècle fera son œuvre. Aujourd'hui civique, demain humaine. Aujourd'hui la question du droit, demain la question du salaire. Salaire et droit, au fond, c'est le même mot. L'homme ne vit pas pour n'être point payé. Dieu, en donnant la vie, contracte une dette. Le droit, c'est le salaire inné. Le salaire, c'est le droit acquis. Gauvin parlait avec le recueillement d'un prophète. Simourdin écoutait. Les rôles étaient intervertis et maintenant il semblait que c'était l'élève qui était le maître. Simourdin murmura. « Tu vas vite, C'est que je suis peut-être un peu pressé, dit Gauvin en souriant, et il reprit. Oh, mon maître, voici la différence entre nos deux utopies. Vous voulez la caserne obligatoire, moi je veux l'école. Vous rêvez l'homme soldat, je rêve l'homme citoyen. Vous le voulez terrible, je le veux pensif. Vous fondez une république de glaive, je fonde. Il s'interrompit. Je fonderai une république d'esprit. Simourdin regarda le pavé du cachot et dit. Et en attendant, que veux-tu? Ce qui est. Tu absous donc le moment présent? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une tempête. Une tempête fait toujours ce qu'elle fait. Pour un chêne foudroyé que de forêt assainie. La civilisation avait une peste, ce grand vent l'en délivre. Il ne choisit pas assez, peut-être? Peut-il faire autrement? Il est chargé d'un si rude balayage? Devant l'horreur du miasme, je comprends la fureur du souffle. Gauvin continua. D'ailleurs, que m'importe la tempête si j'ai la boussole? Et que me font les événements si j'ai ma conscience? Et il ajouta de cette voix basse, qui est aussi la voix solennelle. Il y a quelqu'un qu'il faut toujours laisser faire. Qui? Demanda Simourdin. Gauvin leva le doigt au-dessus de sa tête. Simourdin suivit de regard la direction de ce doigt levé, et, à travers la voûte du cachot, il lui sembla voir le ciel étoilé. Ils se turent encore. Simourdin reprit. Société plus grande que nature. Je te le dis, ce n'est plus le possible, c'est le rêve. C'est le but. Autrement, à quoi bon la société? Restez dans la nature. Soyez les sauvages. Otaïti est un paradis. Seulement, dans ce paradis, on ne pense pas. Mieux vaudrait encore un enfer intelligent qu'un paradis bête. Mais non, point d'enfer. Soyons la société humaine. Plus grande que nature, oui. Si vous n'ajoutez rien à la nature, pourquoi sortir de la nature? Alors, contentez-vous du travail comme la fourmi, et du miel comme l'abeille. Restez la bête ouvrière au lieu d'être l'intelligence reine. Si vous ajoutez quelque chose à la nature, vous serez nécessairement plus grand qu'elle. Ajouter, c'est augmenter. Augmenter, c'est grandir. La société, c'est la nature sublimée. Je veux tout ce qui manque aux ruches, tout ce qui manque aux fourmilières, les monuments, les arts, la poésie, les héros, les génies. Porter des fardeaux éternels, ce n'est pas la loi de l'homme. Non, non, non, plus de parias, plus d'esclaves, plus de forçats, plus de damnés. Je veux que chacun des attributs de l'homme soit un symbole de civilisation et un patron de progrès. Je veux la liberté devant l'esprit, l'égalité devant le cœur, la fraternité devant l'âme. Non, plus de joues. L'homme est fait non pour traîner des chaînes, mais pour ouvrir des ailes. Plus d'hommes reptiles. Je veux la transfiguration de la larve en lépidoptère. Je veux que le ver de terre se change en une fleur vivante et s'envole. Je veux... Il s'arrêta. Son œil devint éclatant. Ses lèvres remuaient. Il cessa de parler. La porte était restée ouverte. Quelque chose des rumeurs du dehors pénétrait dans le cachot. On entendait de vagues clairons, c'était probablement la Diane. Puis, des crosses de fusils sonnant la terre. C'étaient les sentinelles qu'on relevait. Puis, assez près de la tour, autant qu'on en pouvait juger dans l'obscurité, un mouvement pareil à un remuement de planches et de madriers, avec des bruits sourds et intermittents qui ressemblaient à des coups de marteau. Simourdin, pâle, écoutait. Gauvin n'entendait pas. Sa rêverie était de plus en plus profonde. Il semblait qu'il ne respirât plus, tant il était attentif à ce qu'il voyait sous la voûte visionnaire de son cerveau. Il avait de doux tressaillements. La clarté d'aurore qu'il avait dans la prunelle grandissait. Un certain temps se passa ainsi. Simourdin lui demanda. « À quoi penses-tu ? » « À l'avenir, » dit Gauvin. Et il retomba dans sa méditation. Simourdin se leva du lit de paille, où ils étaient assis tous les deux. Gauvin ne s'en aperçut pas. Simourdin, couvant du regard le jeune homme pensif, recula lentement jusqu'à la porte, et sortit. Le cachot se referma. Chapitre 6. Cependant, le soleil se lève. Le jour ne tarda pas à poindre à l'horizon. En même temps que le jour, une chose étrange, immobile, surprenante, et que les oiseaux du ciel ne connaissaient pas, apparut sur le plateau de la Tourgue, au-dessus de la forêt de fougères. Cela avait été mis là dans la nuit. C'était dressé plutôt que bâti. De loin sur l'horizon, c'était une silhouette faite de lignes droites et dures, ayant l'aspect d'une lettre hébraïque, ou d'un de ces hiéroglyphes d'Égypte qui faisaient partie de l'alphabet de l'antique énigme. Au premier abord, l'idée que cette chose éveillait était l'idée de l'inutile. Elle était là parmi les bruyères en fleurs. On se demandait à quoi cela pouvait servir. Puis, on sentait venir un frisson. C'était une sorte de tréteau, ayant pour pied quatre poteaux. À un bout du tréteau, deux hautes solives, debout et droites, reliaient leur sommet par une traverse, élevaient et tenaient suspendu un triangle qui semblait noir sur l'azur du matin. À l'autre bout du tréteau, il y avait une échelle. Entre les deux solives, en bas, au-dessous du triangle, on distinguait une sorte de panneau composé de deux sections mobiles, qui, en s'ajustant l'une à l'autre, offraient au regard un trou rond, à peu près de la dimension du cou d'un homme. La section supérieure du panneau glissait dans une rainure, de façon à pouvoir se hausser ou s'abaisser. Pour l'instant, les deux croissants, qui, en se rejoignant, formaient le collier, étaient écartés. On apercevait au pied des deux piliers, portant le triangle, une planche pouvant tourner sur charnière et ayant l'aspect d'une bascule. À côté de cette planche, il y avait un panier long, et entre les deux piliers, en avant et à l'extrémité du tréteau, un panier carré. C'était peint en rouge. Tout était en bois, et c'était le triangle qui était en fer. On sentait que cela avait été construit par des hommes, tant c'était laid, mesquin et petit. Et cela méritait d'être apporté là par des génies, tant c'était formidable. Cette bâtisse difforme, c'était la guillotine. En face, à quelques pas dans le ravin, il y avait un autre monstre, la tourgue. Un monstre de pierre faisant pendant au monstre de bois. Et, disons-le, quand l'homme a touché au bois et à la pierre, le bois et la pierre ne sont plus ni bois ni pierre, et prennent quelque chose de l'homme. Un édifice est un dogme, une machine est une idée. La tourgue était cette résultante fatale du passé qui s'appelait la Bastille à Paris, la Tour de Londres en Angleterre, le Spielberg en Allemagne, les Surgales en Espagne, le Kremlin à Moscou, le Château Saint-Ange à Rome. Dans la tourgue étaient condensés 1500 ans, le Moyen-Âge, le Vasselage, la Glèbe, la Féodalité. Dans la guillotine, une année, 93. Et ces 12 mois faisaient contrepoids à ces 15 siècles. La tourgue, c'était la monarchie. La guillotine, c'était la révolution. Confrontation tragique. D'un côté, la dette, de l'autre, l'échéance. D'un côté, l'inextricable complication gothique, le serf, le seigneur, l'esclave, le maître, la roture, la noblesse, le code multiple ramifié en coutume, le juge et le prêtre coalisés, les ligatures innombrables, le fisc, les gabelles, la main morte, les capitations, les exceptions, les prérogatives, les préjugés, les fanatismes, le privilège royal de banqueroute, le sceptre, le trône, le bon plaisir, le droit divin. De l'autre, cette chose simple, un couperet. D'un côté, le nœud, de l'autre, la hache. La tourgue avait été longtemps seule dans ce désert. Elle était là, avec ses magicoulis, d'où avait ruisselé l'huile bouillante, la poix enflammée et le plomb fondu. Avec ses oubliettes pavées d'ossements, avec sa chambre aux écartèlements, avec les tragédies énormes dont elle était remplie. Elle avait dominé de sa figure funeste cette forêt. Elle avait eu dans cette ombre 15 siècles de tranquillité farouche. Elle avait été dans ce pays l'unique puissance, l'unique respect et l'unique effroi. Elle avait régné. Elle avait été, sans partage, la barbarie. Et tout à coup, elle voyait se dresser devant elle et contre elle quelque chose, plus que quelque chose, quelqu'un d'aussi horrible qu'elle, la guillotine. La pierre semble quelquefois avoir des yeux étranges. Une statue observe, une tourguette, une façade d'édifice contemple. La tourgue avait l'air d'examiner la guillotine. Elle avait l'air de s'interroger. Qu'était-ce que cela? Il semblait que cela était sorti de terre. Et cela en était sorti, en effet. Dans la terre fatale avait germé l'arbre sinistre. De cette terre, arrosée de tant de sueur, de tant de larmes, de tant de sang, de cette terre où avaient été creusées tant de fosses, tant de tombes, tant de cavernes, tant d'embûches, de cette terre où avaient pourri toutes les espèces de morts faites par toutes les espèces de tyrannie, de cette terre superposée à tant d'abîmes, et où avaient été enfouis tant de forfaits, semences affreuses, de cette terre profonde était sortie, au jour marqué, cette inconnue, cette vengeresse, cette féroce machine porte-glaive. Et 93 avait dit au vieux monde, « Me voilà. » Et la guillotine avait le droit de dire au donjon, « Je suis ta fille. » Et en même temps le donjon, car ces choses fatales vivent d'une vue obscure, se sentait tué par elle. La tourgue, devant la redoutable apparition, avait on ne sait quoi d'effaré. On eût dit qu'elle avait peur. La monstrueuse masse de granit était majestueuse et infâme. Cette planche, avec son triangle, était pire. La toute-puissante déchue avait l'horreur de la toute-puissante nouvelle. L'histoire criminelle considérait l'histoire justicière. La violence d'autrefois se comparait à la violence d'à présent. L'antique forteresse, l'antique prison, l'antique seigneurie, où avaient hurlé les patients démembrés, la construction de guerre et de meurtre, hors de service et hors de combat, violée, démantelée, découronnée, tas de pierres valant un tas de cendres, hideuses, magnifiques et mortes, toutes pleines du vertige des siècles effrayants, regardaient passer la terrible heure vivante. Hier frémissait devant aujourd'hui. La vieille férocité constatait et subissait la nouvelle épouvante. Ce qui n'était plus que le néant ouvrait des yeux d'ombre devant ce qui était la terreur, et le fantôme regardait le spectre. La nature est impitoyable. Elle ne consent pas à retirer ses fleurs, ses musiques, ses parfums et ses rayons devant l'abomination humaine. Elle accable l'homme du contraste de la beauté divine avec la laideur sociale. Elle ne lui fait grâce ni d'une aile de papillon ni d'un chant d'oiseau. Il faut qu'en plein meurtre, en pleine vengeance, en pleine barbarie, il subisse le regard des choses sacrées. Il ne peut se soustraire à l'immense reproche de la douceur universelle et à l'implacable sérénité de l'azur. Il faut que la difformité des lois humaines se montre toute nue au milieu des éblouissements éternels. L'homme brise et broie, l'homme stérilise, l'homme tue. L'été reste l'été, le lys reste le lys, l'astre reste l'astre. Ce matin-là, jamais le ciel frais du jour levant n'avait été plus charmant. Un vent tiède remuait les bruyères, les vapeurs rampaient mollement dans les branchages. La forêt de fougères, toute pénétrée de la laine qui sort des sources, fumait dans l'aube, comme une vaste cassolette pleine d'encens. Le bleu du firmament, la blancheur des nuées, la claire transparence des eaux, la verdure, cette gamme harmonieuse qui va de l'aigle marine à l'émeraude, les groupes d'âmes fraternelles, les nappes d'herbes, les plaines profondes, tout avait cette pureté qui l'Éternel conseille la nature à l'homme. Au milieu de tout cela, s'étalait l'affreuse impudeur humaine. Au milieu de tout cela, apparaissaient la forteresse et l'échafaud, la guerre et le supplice, les deux figures de l'âge sanguinaire et de la minute sanglante, la chouette de la nuit du passé et la chauve-souris du crépuscule de l'avenir. En présence de la création fleurie, embaumée, aimante et charmante, le ciel splendide inondait d'aurore la tourgue et la guillotine, et semblait dire aux hommes « Regardez ce que je fais et ce que vous faites. Tels sont les formidables usages que le soleil fait de sa lumière. » Ce spectacle avait des spectateurs. Les 4000 hommes de la petite armée expéditionnaire étaient rangés en ordre de combat sur le plateau. Ils entouraient la guillotine de trois côtés, de façon à tracer autour d'elle, en plan géométral, la figure d'un E. La batterie placée au centre de la plus grande ligne faisait le cran de le. La machine rouge était comme enfermée dans ses trois fronts de bataille, sorte de muraille de soldats repliée des deux côtés jusqu'au bord de l'escarpement du plateau. Le quatrième côté, le côté ouvert, était le ravin même, et regardait la tourgue. Cela faisait une place en carré long, au milieu de laquelle était l'échafaud. À mesure que le jour montait, l'ombre portée de la guillotine décroissait sur l'herbe. Les artilleurs étaient à leurs pièces, mèches allumées. Une douce fumée bleue s'élevait du ravin. C'était l'incendie du pont qui achevait d'expirer. Cette fumée estompait sans la voiler la tourgue, dont la haute plateforme dominait tout l'horizon. Entre ces plateformes et les guillotines, il n'y avait que l'intervalle du ravin. De l'une à l'autre, on pouvait se parler. Sur cette plateforme avaient été transportées la table du tribunal et la chaise ombragée de drapeaux tricolores. Le jour se levait derrière la tourgue et faisait saillir en noir la masse de la forteresse. Et à son sommet, sur la chaise du tribunal et sous le faisceau de drapeaux, la figure d'un homme assis, immobile, et les bras croisés. Cet homme était Simourdin. Il avait, comme la veille, son costume de délégué civil. Sur la tête, le chapeau à panache tricolore, le sabre au côté et les pistolets à la ceinture. Il se taisait. Tous se taisaient. Les soldats avaient le fusil au pied et baissaient les yeux. Ils se touchaient du coude, mais ne se parlaient pas. Ils songeaient confusément à cette guerre, à tant de combats, aux fusillades des haies si vaillamment affrontées, aux nuées de paysans furieux chassés par leur souffle, aux citadelles prises, aux batailles gagnées, aux victoires. Et il leur semblait maintenant que toute cette gloire leur tournait en honte. Une sombre attente serrait toutes les poitrines. On voyait sur l'estrade de la guillotine le bourreau qui allait et venait. La clarté grandissante du matin emplissait majestueusement le ciel. Soudain, on entendit ce bruit voilé que font les tambours couverts d'un crêpe. Ce roulement funèbre approcha. Les rangs s'ouvrirent, et un cortège entra dans le carré et se dirigea vers l'échafaud. D'abord les tambours noirs, puis une compagnie de grenadiers, l'arme basse, puis un peloton de gendarmes, le sabre nu, puis le condamné, Gauvin. Gauvin marchait librement. Il n'avait de cordes ni aux pieds ni aux mains. Il était en petit uniforme, il avait son épée. Derrière lui venait un autre peloton de gendarmes. Gauvin avait encore sur le visage cette joie pensive qu'il avait illuminée au moment où il avait dit à Simourdin « Je pense à l'avenir ». Rien n'était ineffable et sublime comme ce sourire continué. En arrivant sur le lieu triste, son premier regard fut pour le haut de la tour. Il dédaigna la guillotine. Il savait que Simourdin se ferait un devoir d'assister à l'exécution. Il le chercha des yeux sur la plateforme, il y trouva. Simourdin était blême et froid. Ceux qui étaient près de lui n'entendaient pas son souffle. Quand il aperçut Gauvin, il n'eut pas un tressaillement. Gauvin, cependant, s'avançait vers l'échafaud. Tout en marchant, il regardait Simourdin, et Simourdin le regardait. Il semblait que Simourdin s'appuyât sur ce regard. Gauvin arriva au pied de l'échafaud, il y monta. L'officier qui commandait les grenadiers l'y suivit. Il défit son épée et la remit à l'officier. Il ôta sa cravate et la remit au bourreau. Il ressemblait à une vision. Jamais il n'avait apparu plus beau. Sa chevelure brune flottait au vent. On ne coupait pas les cheveux alors. Son cou blanc faisait songer à une femme, et son œil héroïque et souverain faisait songer à un archange. Il était sur l'échafaud, rêveur. Ce lieu-là aussi est un sommet. Gauvin y était debout, superbe et tranquille. Le soleil, l'enveloppant, le mettait comme dans une gloire. Il fallait pourtant lier le patient. Le bourreau vint, une corde à la main. En ce moment-là, quand ils virent leur jeune capitaine si décidément engagé sous le couteau, les soldats n'étaient plus. Le cœur de ces gens de guerre éclata. On entendit cette chose énorme, le sanglot d'une armée. Une clameur s'éleva. « Grâce ! Grâce !» Quelques-uns tombèrent à genoux. D'autres jetaient leurs fusils et levaient les bras vers la plateforme où était Simourdin. Un grenadier cria en montrant à la guillotine. « Reçois-t-en des remplaçants pour ça, me voici !» Tous répétaient frénétiquement. « Grâce ! Grâce !» Et des lions qui auraient entendu cela eussent été émus ou effrayés, car les larmes des soldats sont terribles. Le bourreau s'arrêta, ne sachant plus que faire. Alors, une voix brève et basse, et que tous pourtant entendirent, tant elle était sinistre, cria du haut de la tour. « Force à la loi !» On reconnut l'accent inexorable. Simourdin avait parlé. L'armée frissonna. Le bourreau n'hésita plus. Il s'approcha, tenant sa corde. « Attendez, » dit Gauvin. Il se tourna vers Simourdin, lui fit de sa main droite encore libre un geste d'adieu, puis se laissa lier. Quand il fut lié, il dit au bourreau « Pardon, un moment encore !» et cria « Vive la République !» On le coucha sur la bascule. Cette tête charmante et fière s'emboîta dans l'infâme collier. Le bourreau lui releva doucement les cheveux, puis pressa le ressort. Le triangle se détacha et glissa, lentement d'abord, puis rapidement. On entendit un coup hideux. Au même instant, on en entendit un autre. « Au coup de hache !» répondit un coup de pistolet. Simourdin venait de saisir un des pistolets qu'il avait à sa ceinture, et, au moment où la tête de Gauvin roulait dans le panier, Simourdin se traversa le cœur d'une balle. Un flot de sang lui sortit de la bouche. Il tomba mort. Et ces deux âmes, sœurs tragiques, s'envolèrent ensemble, l'ombre de l'une mêlée à la lumière de l'autre. Fin de la section 18. Fin de 93 par Victor Hugo.